notre amour déchiré, lequel est blessé. Ni remords, ni regrets. Accroche-nous à l'amour quand il est brisé. On se pardonne. Toi, mes souvenirs, c'est toi, tu le sais. Je n'attendais que toi, je n'espérais que toi, à jamais. Tu t'en vas, tu t'en vas, et le monde alors va s'arrêter. Yeah. Qui ce soir est blessé. Rien n'est mort au ciel. Accrochons-nous à l'amour quand il est brisé. On se pardonne. Mon avenir c'est toi, mes souvenirs. Je n'attendais que toi, je n'espérais que toi.